Set me free. I see that the law is the truth. Die Wahrheit hat mich frei gemacht. Das Gesetz hat mich frei gemacht. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Donc cette loi, c'est la vérité. Amen. Amen. Nothing can replace the truth. Nichts kann die Wahrheit ersetzen. Et rien peut remplacer la vérité. Not even praises. Und nicht mal Lobpreis. Thanksgiving. Dank sagen. Même pas des lois. All even grace. De grâce. Oder oder grâce. Amen. Amen. Amen. Amen. Fasting and prayer. Nothing can replace the truth. Mm-hmm. The truth. That's why you can see churches are so dead today. Deswegen sind Gemeinden so tot, weil die Wahrheit fehlt. This lies walking. Und die Wahrheit und die Lüge deswegen herrscht. Et c'est ça pourquoi tu peux voir que les églises sont remplies de mensonges parce que la vérité est pas présent et le Saint-Esprit est absent. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yeah. So please.